Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les belles années des cinéparcs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous venez souvent dans les cinéparcs? Très très souvent. Oui. Très souvent? Mm-hmm. Deux fois par semaine peut-être. Mais quel est l'avantage de venir ici dans sa voiture plutôt que d'aller au cinéma? Ah ben disons que je peux fumer, j'ai personne qui me pile ses pieds. Je suis dans mon char, hein, fait que je suis assez confortable. Ah bon? C'est à peu près des avantages à comparer avec un théâtre. Extrait de l'émission Format 30 du 22 septembre 1970, au moment où les premiers cinéparcs font leur apparition au Québec, longtemps considérés comme des lieux peu fréquentables par l'Église catholique, entre autres, les cinéparcs ne seront autorisés chez nous qu'au début des années 70. Aux États-Unis, les premiers cinéparcs apparaissent dès les années 30 et à leur apogée durant les années 50, ils deviennent le symbole parfait du rêve américain, un rêve qui carbure aux grosses voitures et aux icônes hollywoodiennes. Quand j'étais petite. Quoi? À 12 tapis. On va dire que c'était un milieu de drogue, de sexe. L'enfer de la perdition. On va dire, elle avait pas tout à fait tort, quand même. Moi, je voulais juste être avec mes amis. Toi, t'avais-tu le droit d'aller au cinéma avec des filles? Moi, ben oui. Ben, c'est ça. Toujours plus permissif avec les gars. Moi, je me rappelle, la première fois que j'avais été au cinéma, j'avais. J'avais 5 ans, à peu près, puis j'avais été avec mon père. Tu sais, puis mon père, je faisais pas grand-chose avec lui, fait que j'étais bien énervé. Hein. C'était une grosse sortie. Puis je me rappelle que pour payer moins cher, il m'avait caché dans la valise du coffre en arrière. Quel film vous étiez allé voir? Je sais pas, il m'a oublié dans le coffre en arrière. Extrait de l'émission « Un gars, une fille » avec Sylvie Léonard et Guy Lepage, un épisode de 1999. Pour nous raconter la petite histoire des cinéparcs, j'accueille André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce que ça célèbre, d'abord et avant tout, le cinéparc, André Lavoie, la grandeur du cinéma ou la grandeur de la sacro-sainte automobile? Oui, c'est vraiment la célébration de la bagnole bien avant celle du cinéma. Ouais. Et ça célèbre aussi la démesure de ce que l'automobile va apporter à l'Amérique, surtout aux États-Unis, l'importance que ça va avoir dans le quotidien de tous les Américains et comment, dans le fond, l'urbanisme, la géographie et toute la structure sociale va s'organiser autour de la voiture et même le cinéma va un peu beaucoup s'y conformer aussi. Oui, c'est intéressant parce qu'au fond, ça a l'air d'un sujet, ça peut avoir l'air d'un sujet banal, faire l'histoire des cinéparcs, mais c'est vrai que faire cette histoire-là, c'est faire l'histoire beaucoup d'un pays, les États-Unis, et de la sociologie de ce pays-là. Oui, dans le fond, on voit à quel point un pays qui accueille des cinéparcs, ça prend plusieurs caractéristiques. Ça prend un pays riche, ça prend un pays où il y a de grands espaces, ça prend un pays où, justement, il y a beaucoup d'automobiles, et ça prend un pays aussi où les gens sont assez riches pour, justement, les conduire et les acheter, ces automobiles-là. Ouais. Et lorsque tout est en place pour réussir ça, ben ça fait la splendeur des cinéparcs, ouais, qui correspond à peu près aux années 50. Mais ça correspond aussi à un malaise, enfin, d'un point de vue contemporain. Moi, personnellement, je vois ça comme une sorte d'aberration. Ça en est une, ne serait-ce que par tout l'espace qui est gaspillé quelques mois par année pour installer ces cinéparcs-là. Oui. Mais à l'époque, on ne se posait pas ces questions-là. Tout était au service, justement, de la voiture. Vous le disiez, les années 50, c'est l'âge d'or, c'est l'apogée. Et à ce moment-là, vraiment, aux États-Unis, les cinéparcs sont très, très populaires. On dit que le quart, à peu près, des recettes de l'industrie du cinéma proviennent des cinéparcs. C'est énorme. Pourquoi une telle popularité, André Lavoie? Il y a plusieurs raisons. D'abord, écoutez, un billet de cinéparc, c'est moins cher qu'un billet dans une salle de cinéma. On peut souvent voir deux films pour le prix d'un. Ouais. Les enfants peuvent non seulement parler, se dégourdir, mais ils peuvent dormir, crier et pleurer pendant le film parce qu'évidemment, ils sont dans leur voiture. Ils se souviennent même pas de ça. C'est un grand classique, en fait. Souvent. Ouais. On recrée d'une certaine façon le cocon familial, mais au milieu d'un terrain de stationnement. Et finalement, mais pour beaucoup de parents, oui, il y a un coût, mais en même temps, on économise sur le coût de la gardienne. Ouais. Donc ça fait que ça devient très, très populaire rapidement. L'âge d'or, donc, c'est vraiment les années 50. Puis on y reviendra. Pourquoi, à ce moment-là, une telle popularité? Mais peut-être revenir un peu en arrière pour parler de la création, la naissance des cinéparcs. Ça commence quand? Dans quel contexte apparaissent les cinéparcs? Bien, on a une date, 1933. Là, on retrouve Richard M. Hollingshead, qui est le fils d'un industriel qui, lui, travaille avec son père, mais qui aimerait être son propre patron et qui a un côté très inventeur. Alors, lui, justement, se questionnait sur l'idée d'amalgamer voitures et autres services, voitures et restaurants et tout ça. Il a eu l'idée, un jour, dans sa cour, d'installer un drap entre deux arbres près du stationnement de sa maison, et il a placé une caméra, un projecteur au-dessus d'une voiture, il s'est installé dans sa voiture, et il a essayé de reproduire ce qui deviendra plus tard l'expérience Cinépark. Mm-hmm. Et il va être assez rapide, puisque il va présenter son brevet et il va obtenir son brevet le 16 mai 1933. Et dès le 9 juin 1933, il va ouvrir son Cinépark, son premier Cinépark au New Jersey, à Camden. Et c'est de là que va commencer officiellement l'aventure des Cinéparks. Il va en fonder d'autres par la suite, mais Hollingshead sera surtout connu comme le grand protecteur de son brevet et ouais. Il va intenter de nombreuses poursuites auprès de plusieurs propriétaires à travers les États-Unis qui ont reproduit ce modèle-là qui était, bon, à la fois son invention, mais on s'entend qu'il existait déjà des projections en plein air avec des voitures. Ça avait déjà été tenté dans les années 20, mais lui avait un peu officialisé ça grâce à son brevet, mais rapidement, il a perdu le contrôle et il a perdu beaucoup, il a perdu souvent devant les tribunaux en poursuivant ouais. d'autres propriétaires. Et c'est comme ça, dans les années 30, que les cinéparks ont commencé à s'installer un peu partout aux États-Unis. Mais il faut quand même comprendre qu'on est à l'époque de la crise. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'expansion à ce moment-là n'est pas très rapide. Ouais. L'explosion, ce sera vraiment fin des années 40, début des années 50. Sandy, can't you see I'm in misery. We made a start, now we're apart. There's nothing left for me. Love has flown all alone. I sit and wonder why you left me. Oh, Sandy. Oh, Sandy, baby. Extrait du film Grease, au moment où John Travolta interprète la chanson Sandy dans une scène qui se déroule justement dans un cinépark. Grease, évidemment, c'est les années 50, et ces années 50, on y revient, André Lavoie, c'est l'âge d'or des cinéparks. Qu'est-ce qui explique l'explosion du phénomène des cinéparks à ce moment-là, à la fin des années 40, au début des années 50? Mais en fait, l'explosion des cinéparks est directement liée à celle des banlieues. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande prospérité économique aux États-Unis. Les États-Unis sont parmi les grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et ils profitent de ça. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs qui habitent en ville décident de s'acheter des maisons en banlieue, décident de quitter les quartiers pauvres et les quartiers centraux des grandes villes. Et cette explosion de la banlieue fait en sorte que les travailleurs qui, des fois, sont pris pour travailler en ville, ne veulent pas y retourner le soir et les week-ends. Ouais. Alors, l'installation de cinéparks dans ces banlieues-là va vraiment contribuer à son succès parce que ces gens-là ont des familles, ont des enfants, ont des bons revenus, mais quand même limités. Alors, le cinéparc devient un divertissement intéressant et peu coûteux pour eux, et surtout un divertissement familial. Ouais, c'est pratique, c'est à côté, c'est presque comme une extension de leur propre cours. C'est un peu ça l'idée du cinéparc. Tout à fait. Et ça va se développer de manière assez étonnante. Moi, je ne le savais pas avant de préparer cette émission, mais moi, l'image que je conserve d'un cinéparc, c'est un cinéparc avec un, parfois deux ou trois écrans, un restaurant, et ça s'arrêtait là. Mais vraiment, aux États-Unis, dans les années 50, dans cet âge d'or des cinéparks, c'est beaucoup plus que ça, là. Bien, en fait, on pourrait même dire, et c'est pas comme ça qu'il l'expliquait à l'époque, mais je pense que le terme est assez juste, ça devenait des complexes de divertissement. Ouais. On retrouvait des mini-golfs, des piscines, des garages, des infirmeries pour les poupons. Évidemment, des comptoirs alimentaires énormes. On retrouvait même des scènes et des salles de danse. On retrouvait aussi, à un endroit, il y avait un motel qui avait été construit, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, au New Jersey, où les chambres étaient dirigées du côté de l'écran, ce qui fait en sorte que les gens pouvaient louer une chambre et voir un film de leur chambre. Moi, j'appelais ça des motels chambres avec vue, vue au pluriel. Et donc, tout ça était organisé pour créer une sorte d'immense cocon. En fait, c'était plus qu'un terrain de stationnement. Là, c'était vraiment un immense cocon, une sorte de centre d'achat à ciel ouvert, où, je dois dire, souvent, le film était assez accessoire. Oui. Et puis la nourriture, vous en avez parlé, mais comme au cinéma, comme en salle, et ce que ça va devenir surtout, mais on ne peut pas passer à côté de ça, parler de l'expérience Cinépark sans parler de nourriture, ça n'a pas de bon sens. Quelle place elle occupe, la nourriture, dans cette expérience Cinépark? Bien, il faut comprendre, et ça, si les gens ne le savent pas déjà, j'imagine qu'ils s'en doutent, les profits des comptoirs alimentaires, des cinémas et des cinéparcs est essentiel. Souvent, le profit est plus grand au comptoir alimentaire que les billets de cinéma. Alors, les cinéparcs ont compris ça, d'autant plus qu'eux fonctionnent en général beaucoup moins longtemps sur une année, mis à part dans certains États, comme par exemple en Californie, où le climat est assez favorable pour, pour des cinéparcs ouverts 12 mois par année, mais ce n'est pas tout à fait le cas au New Jersey ou dans l'État de New York. Et donc, ça, c'est important. L'autre chose aussi, c'est que dans les cinéparcs, et ça, j'avoue que c'est une découverte dans mes recherches, c'est qu'on offrait parfois ce qu'on appelait, et je ris même avant de le dire, mais on trouvait des mets exotiques, comme par exemple de la pizza et des egg rolls. Ouais. Et dans les histoires que j'ai lues sur le cinéparc, il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient très, très, très attirés parce que dans les années 50, la pizza et les egg rolls et certains mets comme ça, comme je vous dis, en guillemets, exotiques, ça attirait beaucoup de spectateurs parce que c'était pas encore des mets qu'on pourrait qualifier de banals aujourd'hui, qu'on trouve partout dans les cafétérias. À l'époque, c'était considéré comme vraiment, vraiment, vraiment fascinant d'aller manger ça. Et c'était souvent uniquement dans un cinéparc qu'on pouvait y goûter. C'est un dinosaure. Il l'a fait. Il y est arrivé, ce vieux dégénéré. C'est une créature à son chose. Cette chose ne vit pas dans un marais. Cette chose a un coup de 7, 8 mètres. Le brachiosaure, 9. 9 mètres. Ils sont rapides. Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h. Vous avez un T-Rex? Vous dites que vous avez un T-Rex? Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex. Oh. Mets ta tête entre les genoux. Oh. Professeur Grant, mon cher professeur Sattley, bienvenue à Jurassic Park. En 1993, le film de Steven Spielberg, Parc Jurassique, dont on vient d'entendre un extrait, est le gros succès de l'été au cinéma, en salle et au cinéparc, André Lavoie. Mais ça nous permet quand même, cet extrait, de parler des films qui sont présentés dans les cinéparcs. Quel genre de films voit-on au cinéparc? Bien, avant, genre, que je vous dirais une chose, j'ai une statistique amusante. Dans les années 80, on avait fait un sondage sur la motivation des spectateurs au cinéparc. Et 8 % des spectateurs étaient uniquement motivés par le film qu'on présentait. Alors, ça vous donne une idée sur les raisons multiples. Ce qu'on allait faire au cinéma. Ce qu'on allait faire et ce qu'on allait voir aussi. Ce n'était pas nécessairement des films. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que pendant longtemps, les cinéparcs ont été vus comme des cinémas de deuxième zone, souvent par les distributeurs et les studios, ce qui fait qu'on ne présentait pas des exclusivités, mais au fur et à mesure, il y a eu une pression pour que le cinéparc devienne vraiment un grand divertissement familial. Mais au fur et à mesure que les familles ont déserté les cinémas parce que les enfants ont grandi, sont devenus des adolescents, il y a eu un bascule. Oui, il y a eu beaucoup de cinéparcs où on a présenté des exclusivités, mais à côté de ça, on présentait de la série B, des mauvais films et aussi de la soft porno. Alors, de plus en plus de cinéparcs, pour rentabiliser, ils présentaient des films porno, soft porno, on s'entend. Mais à guichet, disons oui, ça comme ça. Oui, comme ça. Ouais. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a un peu entaché, si on veut, la réputation des cinéparcs. Et donc, c'est tous ces types de programmation-là faisant en sorte qu'on ne savait pas trop, dans le fond, tout dépendant dans quel état des États-Unis on était, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans une salle de cinéma, dans un cinéparc, pardon. Alors, donc, Par exemple, au Québec, c'est sûr que l'idée à la fois de présenter des films un peu aguichants, puis aussi de présenter des films de type familiaux Walt Disney a eu longtemps la cote dans les cinéparks, bien, c'est sûr que ça fait en sorte qu'il y avait différents publics qui cohabitaient ou différents types de programmation selon la journée. Ouais. Selon si on était le week-end ou la semaine. Mais l'idée, c'est de s'adapter à sa clientèle, puis ça nous amène à parler de cette clientèle-là, qui n'est pas la même. Les gens qui allaient au cinéparc, c'est pas les mêmes qu'on retrouvait dans des cinémas du centre-ville. Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enfants des années 50 ont grandi, sont devenus des adolescents, ils y allaient de moins en moins pour voir des films, et ces gens-là, bien, ils se sont servis des cinéparcs pour toute autre chose que pour draguer, pour être avec leurs copines, parce qu'il y avait moins de lieux que maintenant. Je veux dire, les gens sont beaucoup plus autonomes, plus jeunes. Alors, c'est pour ça que longtemps, la réputation des cinéparcs a été entachée à cause de ça, parce qu'on on voyait ça beaucoup comme un repère de jeunes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Grease, un repère de jeunes qui va là pour faire toutes sortes de choses, sauf aller au cinéma. Oui. Donc, les cinéparcs, on le voit, là, qui évoluent, cet apogée dans les années 50, la clientèle qui change au fil du temps, et puis le déclin qui va fatalement arriver à un moment donné. Pourquoi? Pourquoi ce déclin-là? D'abord, les banlieues sont devenues de plus en plus denses, ont encerclé les cinéparcs, et ça fait en sorte que, pour une raison très, très bête, la luminosité a altérer un petit peu le spectacle cinématographique. Et il y a eu aussi le phénomène du pas dans ma cour. C'est-à-dire que quand les films étaient populaires, des longues files de voitures, ça cohabite pas très bien avec des cinéparcs qui sont tout près des banlieues, parce que les banlieues se sont beaucoup rapprochés des maisons, des quartiers résidentiels. Alors, cette cohabitation-là était de plus en plus difficile. Donc, ça a été un élément important dans le déclin des cinéparcs, parce que, justement, du phénomène pas dans ma cour. Donc, autre chose aussi, ironiquement, l'expansion de l'automobile a contribué au déclin des cinéparcs dans la mesure où on a construit de plus en plus d'autoroutes, autoroutes qui contournaient les routes nationales aux États-Unis, ce qui faisait en sorte que ça contournait aussi les cinéparcs. Ouais. Alors, on passait un peu à côté. Maintenant, sur le plan technologique, on le sait, les salles de cinéma l'ont vécu de plein fouet et les cinéparcs n'y ont pas échappé. On a passé à l'ère du numérique, la pellicule s'est terminée, les salles de cinéma se sont rapidement adaptées, ils n'avaient pas le choix. Mais les cinéparcs, l'enjeu était différent parce que souvent, ils sont ouverts 4 mois par année, ils sont dans des lieux pas très hospitaliers sur le plan de la propreté. C'est pas que les cinéparcs sont mal propres, c'est qu'ils sont au milieu d'un champ ou dans des grands espaces et l'appareillage numérique de projection nécessite des conditions de propreté, de contrôle de l'air, de contrôle de la chaleur impeccable. Ça nécessite aussi une connexion Internet. Ça exige des investissements financiers importants et plusieurs ont abdiqué devant ce changement technologique. Enfin, Claude Bisaillon, les Québécois peuvent se dire qu'ils n'ont plus, surtout ceux, bien sûr, qui sont à proximité de la frontière américaine, qu'ils n'ont plus, dis-je, à se rendre aux États-Unis pour aller au cinéma dans les drive-in parce qu'ils ont leurs propres drive-in qui ont été francisés. Ce sont des cinéparcs. En effet, André Payette, la loi concernant les cinéparcs a été sanctionnée le 12 août 1967 et c'est en juin 1969 que le comité consultatif des cinéparcs a été formé. Il a remis son rapport fin 69 et les premiers permis pour les cinéparcs ont été accordés fin 69, début 70. Sur une trentaine de demandes sérieuses, on a accordé jusqu'ici 18 permis. Et il n'y en a pour l'instant qu'un seul d'ouvert, celui de Saint-Mathieu, celui qui s'appelle officiellement le cinéparc de la Route 9. Il y aura cependant une dizaine d'autres cinéparcs d'ouverts d'ici quelques semaines dans la province de Québec. Est-ce que vous venez souvent ici? Ah bien, disons que c'est la première fois ce soir ici à Boucherville. C'est très récent d'ailleurs, le parc ici. C'est notre première expérience au Québec, mais disons qu'on l'a fait aux États-Unis auparavant. Auparavant, on a assisté au drive-in, comme on appelle un cinéparc. Il faut pas s'habituer à ce nouveau terme ici, qui est très québécois de chez nous. Quel est l'avantage de venir voir un film dans sa voiture? Bien, disons que nous, on apporte notre dortoir en même temps. On a notre jeune en arrière qui va dormir tout à l'heure. Puis je pense que c'est une très belle distraction pour toute la famille. Tout le monde aime ça. Puis Ça coupe la gardienne, on l'amène avec nous autres. Extrait des émissions Présent du 29 juin 1970 et Format 30 du 22 septembre 1970. On boucle la boucle pour terminer cette émission en revenant sur cette arrivée très tardive des cinéparcs au Québec. André Lavoie, comment s'explique cette arrivée si tardive chez nous? Puis quelle ampleur aura ce phénomène-là des cinéparcs au Québec? Mais d'abord, on va juste dire un nom, Maurice Duplessis. Il refusait catégoriquement que les cinéparcs s'installent au Québec parce qu'on connaissait déjà la mauvaise réputation des cinéparcs aux États-Unis. Et Maurice Duplessis, ainsi que plusieurs maires de différentes villes du Québec, ont vraiment résisté à l'apparition des cinéparcs. Et comme le dit l'extrait, ben, une loi a été votée en 1968 et c'est en 1970 que les premiers cinéparcs ont ouvert et ça a connu quand même un certain succès. Écoutez, en 1975, il y en avait déjà 28 pour un total de 34 écrans. Il y avait déjà 1,6 million de spectateurs qui avaient vu des cinéparcs. Et une autre date très importante, l'âge d'or des cinéparcs au Québec ou la grande année du cinéparc au Québec, c'est 1984. Ah bon? Alors, à cette année-là, on avait 44 cinéparcs pour un total de 64 écrans et il y a eu 2,2 millions de spectateurs. Et après ça, le déclin s'est amorcé et c'est un déclin inévitable parce qu'on l'avait déjà vu aux États-Unis. Le déclin était déjà très, très bien amorcé aux États-Unis. Écoutez, au début des années 60, il y avait déjà 90 % des foyers américains qui possédaient un téléviseur. Mm-hmm. Dans les années 80, ce qui se passe, tout le monde le sait, c'est l'arrivée du magnétoscope domestique. Ouais. Et là, en fait, le Québec ne fait que reproduire les tendances américaines. Et après 1984, c'est devenu une sorte de déclin un peu inéluctable. Mais il en reste encore quelques-uns. Mais l'âge d'or du cinéparc au Québec a été assez bref. Et comme je vous dis, ça se résume en une date, 1984. Et ça coïncidait avec le moment où le magnétoscope domestique prenait son essor. Ouais. Aujourd'hui, c'est bon, quelques-uns encore, mais c'est plus, j'imagine, une expérience nostalgie. Exactement. C'est de la nostalgie. Il en reste à peu près 300 aux États-Unis. Il y en a quelques-uns encore au Québec. Et je pense que notre rapport à l'automobile a changé. Notre rapport au cinéma a aussi changé pour le bien et pour le moins bien. Et aussi, il faut bien le dire, c'est lié exclusivement au développement des banlieues, au développement urbain. C'est-à-dire, le cinéparc en tant que tel, ce grand espace peu utilisé, si ce n'est que pour faire des marchés aux puces ou comme les églises les utilisaient aux États-Unis pour faire des messes le dimanche, on s'entend que c'est des espaces qui sont la plupart du temps inutilisés. Donc, ouais. C'est vraiment un enjeu incroyable que de garder ces grands espaces-là uniquement pour en faire un divertissement ouais. cinématographique. Donc, ça a toujours, dans le fond, depuis des décennies, là, ça apparaissait comme une aberration qui était difficile à gérer pour plusieurs villes qui ont vu des opportunités en or. Et aussi, les propriétaires de cinéparcs, eux, ont vu aussi une grande opportunité financière parce que plusieurs ont vendu leur terrain à très bon prix. André Lavoie, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Critique de cinéma au Journal Le Devoir. Merci, André. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.